séjour, toi et moi. On n'était qu'un et faisait le bien. À toutes ces fois où dans nos yeux il y avait tant d'amour et de lumière. On était vrai, on était là. D'être heureux. Non, jamais tu ne pourras m'empêcher d'être heureux. Ces jours où lui et toi vous étiez chien et le faisiez bien. À toutes ces fois où dans tes yeux j'ai vu la couleur du mensonge. À toutes ces chances que je t'ai données auxquelles tu as préféré mentir, croyant te libérer de tes propres geôles. Alors je m'en vais, ne t'inquiète pas, je serai heureux dans quelques jours. Dès que je t'aurai oublié, il faut que je te survive. Jamais.